Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, 18e instruction, pour la fête de Saint-Joseph le 19 mars. Toutes les créatures sorties de la main du Tout-Puissant nous remplissent d'étonnement et d'admiration, il n'en est aucune qui ne soit propre à réveiller dans notre esprit l'idée la plus sublime de son auteur, aucune qui ne fasse briller tout à la fois sa puissance et sa sagesse. Toutefois, il faut en convenir, parmi toutes ces merveilles, la plus parfaite, dans l'ordre des choses visibles, c'est l'homme, c'est pour l'homme aussi que toutes les autres créatures ont été tirées du néant. Écoutez les magnifiques expressions qu'emploie l'Esprit Saint pour nous en donner dès le principe l'idée la plus avantageuse. Dieu ne se contente pas pour créer l'homme d'un seul mot, d'un simple fiat, qui a suffi pour enfanter ce vaste univers. Il se sert d'une formule nouvelle et pleine de magnificence. La sagesse et l'amour divin sont consultés, c'est pour l'exécution de ce grand ouvrage qu'a lieu, si je puis le dire, le premier consistoire secret de l'adorable Trinité. Et la conclusion, quelle est-elle? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux bêtes et à toute la terre, Genèse 1, 26 et suivant. Et, conformément à ce décret, Dieu créa l'homme à son image. Admirons ici l'excellence de cette créature, les perfections dont elle est ornée, les éloges pompeux dont elle est l'objet, et enfin l'empire qui lui est accordé. Mais que penser de la femme? L'Écriture ne dit pas un mot de sa noblesse ni de sa perfection. Faudrait-il par hasard la reléguer parmi les êtres d'un ordre inférieur, et privée de cette très auguste ressemblance qui existe entre l'homme et son Créateur? Non, mes frères, loin de nous une telle pensée, qu'il suffise pour la gloire de la femme de rappeler qu'elle a été créée semblable à l'homme. De là nous devons conclure qu'elle est élevée en perfection au-dessus de tous les êtres sensibles, excepté l'homme seul, dont elle n'est qu'une copie. La femme fut donnée à l'homme pour aider, pour compagne, elle devait donc lui ressembler. Voilà, je pense, la difficulté aplanie, ou pour mieux dire, entièrement résolue. Voilà de plus un moyen bien facile de résoudre une autre difficulté non moins importante, et qui rentre totalement dans le sujet qui doit nous occuper. J'ai entendu plus d'un prédicateur se plaindre de l'aridité de la matière qu'il avait à traiter en ce jour. Qu'est-ce que l'Église propose aujourd'hui à nos méditations? Ce sont les grandeurs et les vertus de l'illustre patriarche dont nous célébrons la fête. En décrire l'éloge et le panégyrique, voilà par conséquent le devoir de l'orateur sacré. Mais comment célébrer les grandeurs de celui en qui il ne paraît rien ou presque rien de grand? Quels éloges donner à celui dont les glorieuses actions nous sont presque entièrement inconnues? Que savons-nous au sujet de Saint Joseph? Que ce fut un homme juste, Matthieu 1, 19. Voilà à peu près tout ce que nous savons sur ce sujet. Sur quel fondement pourrons-nous donc baser nos réflexions? Ne vaudrait-il pas mieux renoncer à une entreprise dont le succès ne saurait répondre à la dignité de l'objet et à l'attente des auditeurs? Mais Dieu me préserve d'une telle résolution. Je parlerai, quoi qu'il en soit, de notre illustre héros, et je ne crains aucunement d'être arrêté par le défaut de matière. Joseph ne fut-il donc pas l'époux de Marie? Ne fut-il pas son compagnon, son aide et son soutien? Oui, sans contredit. Eh bien, il a donc dû être, et il a été en effet parfaitement semblable à la plus sainte des créatures. Ces quelques mots ont suffi pour nous former l'idée la plus haute et la plus magnifique de la femme que Dieu donna à l'homme pour compagne. Ils doivent suffire aussi pour nous pénétrer de vénération envers notre saint. Si la seule ressemblance de la femme avec l'homme a pu nous faire reconnaître sa supériorité sur toute créature sensible, inférieure à l'homme, la ressemblance de Joseph avec Marie doit pareillement nous le faire regarder comme au-dessus de toutes les pures créatures, excepté Marie. Joseph a donc ressemblé à Marie dans l'exercice des vertus durant le cours de sa vie mortelle, il lui ressemble encore par la gloire dont il jouit dans le royaume céleste, enfin il lui ressemble par la protection qu'il nous accorde. Développons ces trois réflexions. Pour faire apprécier notre glorieux patriarche à raison de sa ressemblance avec Marie, il semblerait que l'on dût expliquer d'abord quelles furent les vertus héroïques et les sublimes prérogatives de la reine des vierges et de l'épouse de Joseph. Mais à le bien prendre, je trouve que cela n'est pas nécessaire. Nul doute que si je m'adressais à un auditoire qui n'aurait aucune idée des grâces singulières et extraordinaires dont Marie fut enrichie, des vertus excellentes qu'elle pratiqua, du degré suréminent de mérite qu'elle atteignit, nul doute, dis-je, que dans ce cas je ne dusse commencer par développer ces différents points, mais il n'en est pas de même ici. Quel est en effet parmi ceux auxquels je m'adresse celui qui n'a pas déjà la plus haute idée de Marie? Nul n'ignore que la Sainte Vierge ne soit la plus sublime de toutes les pures créatures, la plus noble, la plus sainte, la plus riche en mérite et en grâce, la plus proche de Dieu, et par suite la plus divine dans l'ordre des simples créatures. Tout le monde ne sait-il pas que Marie surpasse autant les autres saints et les anges même qui peuplent la cour céleste, que ceux-ci à leur tour surpassent les êtres les plus vils? Il n'est donc pas nécessaire que je m'arrête à démontrer ces vérités dont on est si bien persuadé. Par conséquent, lorsque j'avance que Joseph a été semblable à Marie dans l'exercice des plus sublimes vertus, durant le cours de sa vie mortelle, vous en concluez sur le champ à quel degré de perfection il a dû parvenir. Cela est bien vrai. Mais comment saurons-nous sûrement que Joseph a été véritablement semblable à Marie dans la pratique des vertus? Mon Dieu, peut-on en douter? Soyez persuadé du moins que tout doute à cet égard disparaîtra pour peu que vous daigniez prêter attention à ce qui va suivre. Et d'abord, voudriez-vous me dire quel est le mariage que vous estimez le mieux assorti et le plus heureux? Celui sans doute où il règne entre les deux époux la plus parfaite conformité de goût et d'inclination, quand tout ce que l'un veut, l'autre le veut aussi, quand les pensées, les paroles, les actions, les désirs même sont en tout conformes. Que manque-t-il pour faire un mariage accompli? Il ne pouvait se rencontrer plus heureusement, dit-on alors, l'un semble fait pour l'autre. Quelle heureuse union, quel couple fortuné! C'est à ce bonheur qu'aspirent de toute l'ardeur de leurs vœux les jeunes gens et les jeunes personnes, c'est là aussi l'objet de la sollicitude des pères et mères. Mais, hélas, qu'il est rare que le succès réponde pleinement à leur attente, de là ces dissensions dans les familles, de là ces procès et ces querelles, de là ces jalousies, et cette multitude infinie de maux qui inondent la société. Cependant, que de peine ne s'était-on pas donné pour former un mariage assorti, et malgré cela on n'a pas atteint son but, on s'est trompé. Hélas, la passion a aveuglé les jeunes époux, l'intérêt a jeté un bandeau sur les yeux des vieillards. Ce jeune homme semblait un ange. Cette jeune personne était la créature la plus accomplie, un instant a suffi pour la faire paraître tout autre. Ergo eravimus, nous nous sommes donc trompés. S'écrit-on alors dans l'amertume de son âme, « Oui, vous vous êtes trompé, épouse infortunée, vous vous êtes trompé, et beaucoup plus grièvement, parents inconsidérés, vous vous êtes trompé, dis-je, mais pensez-vous que Dieu puisse aussi se tromper ? La passion ou l'intérêt serait-il capable de l'aveugler ? Qui pourrait admettre une impiété aussi exécrable ? Non, certes, la sagesse divine ne peut errer, elle, qui atteint avec force depuis une extrémité jusqu'à l'autre, et dispose tout avec douceur, sagesse 8.1. Par conséquent, si c'est Dieu lui-même qui prépare les époux, si c'est lui qui prend soin de les unir, il faudra dire qu'ils ont été faits l'un pour l'autre. Il faudra leur reconnaître la plus parfaite ressemblance d'inclination et d'affection qui ait jamais existé. Or c'est là précisément notre cas, mes chers frères. Qui est-ce en effet qui unit Joseph à Marie et Marie à Joseph, si ce n'est celui qui, par un prodige signalé, daigna manifester quel était l'heureux mortel que son éternelle providence avait destiné à la plus pure des vierges. C'est Dieu même qui l'a créé, et qui a préparé son cœur, et il l'a créé et préparé pour Marie. Jugez après cela si cet époux incomparable a pu ne pas ressembler à sa chaste épouse. Ce serait le premier désordre que Dieu aurait commis dans ses ouvrages, car nous savons qu'ils sont tous disposés avec nombre, poids et mesure, sagesse 11-21. Il faut donc nécessairement conclure de tout ce qui a été dit jusqu'ici que Joseph a possédé à l'égard de Marie, son épouse, le plus haut degré de ressemblance auquel soit jamais parvenue une créature mortelle. Mais supposez même qu'il n'eût pas eu d'abord cette ressemblance parfaite, n'aurait-elle pas été le résultat comme infaillible de l'intimité dans laquelle il vivait avec la bienheureuse Vierge? Supposez, ce qu'il serait impie de croire, que Joseph avant de contracter les engagements sacrés du mariage, n'eût été qu'un homme sans foi et sans mœurs. La sainteté de son épouse n'aurait-elle pas eu assez d'influence pour le porter à changer de vie et à embrasser la vertu? Que de pécheurs sont devenus tout à coup de grands saints pour avoir eu le bonheur de contempler un instant celle qui est toute puissante pour ravir les cœurs? Quel est le coupable assez obstiné et assez endurci pour résister à cette vertu qui sort de Marie, à une vertu aussi douce, aussi attrayante et aussi efficace? Que serait-ce donc s'il nous était donné de converser avec elle, non pas durant quelques instants, mais pendant des années? De converser, dis-je, et de quelle manière? Comme parents, comme amis? Non, mes frères, mais avec toute la familiarité dont un époux peut user envers son épouse. 1 Corinthiens 7, 14. La femme fidèle, dit l'apôtre, procure la sanctification de l'époux infidèle, à combien plus forte raison la fidélité de la plus sainte des vierges n'eût-elle pas obtenu le même résultat? Voyez donc où nous entraîne la force du raisonnement, il nous oblige de conclure que quand même Joseph eût été le plus scélérat des hommes avant son mariage, il en serait devenu infailliblement le plus saint après avoir contracté cette heureuse union. Mais fut-il réellement tel avant cette époque? Dieu nous garde d'une pareille pensée. Comment en effet eût-il été choisi pour être le fidèle gardien? De qui? À mes frères? De qui? De ce lys virginal et pur dont il pouvait bien admirer l'éclat, et savourer le suave parfum, mais sans rien se permettre au-delà. Que celui que l'expérience a suffisamment instruit à ce sujet, nous dise, s'il en est capable, tout ce qu'une pareille situation présente de difficultés à vaincre et d'obstacles à surmonter, par suite, qu'elle exige de vertu, de force et de courage. Qu'un ange vive en ange, il ne fait rien en cela qui le relève au-dessus de sa nature, mais qu'un mortel mène la vie d'un esprit céleste, par cela même il mérite d'être placé au-dessus des purs esprits, comme le dit fort bien saint Jean Chrysostome. Mais si une vie angélique, bien que solitaire et à l'abri des dangers, mérite de notre part une estime si profonde, que devons-nous penser d'une vie semblable conservée intacte au sein de l'amour conjugal? Nul ne trouve étrange qu'une aiguille demeure immobile, aussi longtemps que rien ne la met en mouvement, mais si étant soumise à l'action de l'aimant elle ne subissait pas son influence, ce serait un prodige inexplicable. Or, voilà le prodige que nous admirons dans saint Joseph. Quelle ne dut donc pas être sa vertu, sa générosité, sa force de volonté? Toutefois ce ne fut point la seule épreuve à laquelle le Seigneur exposa ce saint patriarche, en le donnant pour époux à Marie, il en eut d'autres à supporter, et plus fortes et plus pénibles. Observez, mes frères, ce chaste époux de la plus pure et de la plus chaste des vierges en proie à une foule de pensées accablantes. Que pense-t-il? Quelles images roulent-il dans son esprit? Ô Dieu, ce qu'il pense, il voit s'élever dans son jardin une fleur, tandis qu'il ignore la divine semence que le ciel y a déposée, il voit la Vierge enceinte du Verbe, je n'en dis pas davantage, ce peu de mots vous en donne assez à entendre. Que ne pouvait pas dire et faire saint Joseph dans une pareille extrémité? Mais non, Joseph son époux étant un homme juste, ne voulait pas la déshonorer, Matthieu 1, 19. L'Esprit Saint nous avertit ici fort à propos que Joseph était un homme juste, c'est-à-dire, mes frères, qu'il était orné, enrichi de l'assemblage des plus sublimes vertus. Joseph ne se permit pas une parole, pas une seule action, pas même une pensée contre la vertu de son épouse chérie. Il adore en secret le mystère qu'il ignorait. Il fut, il est vrai, sur le point de la quitter, non pas qu'il se fût laissé aller à quelque sentiment de jalousie ou à quelque soupçon désavantageux, mais parce qu'il se croyait indigne de l'avoir pour compagne. Il ne fallut rien moins qu'un ordre du ciel pour le fortifier contre la crainte que lui inspirait son humilité. Ne craignez point de prendre avec vous Marie, votre épouse, Ibidem, 1, 20. Rassuré par ces paroles, Joseph ne balança plus d'habiter avec celle en qui il ne pouvait s'empêcher de reconnaître l'épouse bien-aimée du Saint-Esprit, sans qu'elle cessât d'être sa véritable épouse. Ce qui est né en elle est l'œuvre du Saint-Esprit, Matthieu 1, 20. Mais, ô mon Dieu, que les consolations et les encouragements des justes sont rares sur cette terre, où ils rencontrent à chaque pas des angoisses et des tribulations. C'est ainsi, mes frères, que le Seigneur a coutume d'en user avec ses élus, mes enfants les plus tendres ont marché dans des chemins pleins d'âpreté, Baruch 4, 26. Voilà qu'un édit ordonne à tous les habitants de la Palestine de se rendre au lieu de leur naissance, pour payer tribut à l'ambition romaine. Joseph se prépare avec son épouse à ce long et pénible voyage, il se rend avec elle à Bethléem, lieu marqué par les décrets éternels pour la naissance du Fils de Dieu. Quelle douleur! Quel déchirement pour le cœur de ce tendre époux de se voir rejeté partout, Jean 1, 11. Oui, nous pouvons appliquer à Joseph ce que l'évangéliste dit de Jésus, il est venu dans son propre héritage, et les siens ne l'ont point reçu. Il se voit enfin réduit à chercher un abri dans une pauvre et sombre caverne, qui servait de retraite, non pas aux hommes, mais à de vils animaux. Il est vrai, mes frères, que c'est là précisément que Dieu préparait à ses chastes époux un torrent de délices ineffables, en faisant briller à leurs yeux les premiers rayons de ce divin soleil, qui devait répandre la lumière par toute la terre. Mais jugez combien il dut être pénible au cœur de Joseph, non moins qu'à celui de Marie, son épouse, de voir ce lys éclatant naître au milieu des épines de la plus extrême misère, gémir de froid, languir de faim, manquer de tout. Il est bien vrai qu'ils furent témoins de l'adoration des bergers, mais il fallut aussi qu'ils fussent présents, lorsque Jésus voulut répandre les prémices de son précieux sang. Ils reçurent les trois mages venus d'un pays lointain pour offrir à Jésus leurs hommages, mais Joseph ne dut-il pas se hâter de prendre la fuite avec Marie, pour soustraire Jésus à la mort prématurée dont le cruel Hérode le menaçait? Ils purent après bien des années regagner leur patrie, mais, hélas, quelle douleur d'apprendre qu'un père barbare avait succédé sur le trône de Juda un fils non moins inhumain. Joseph put savourer souvent les délicieux embrassements du tendre objet des prédilections du Père Céleste, confié à ses soins, mais quoi, ce divin Père lui-même, se plaisant, pour ainsi dire, à le soumettre à de perpétuelles épreuves, permit que Jésus se soustrait pendant 3 jours entiers à ses regards. Il le retrouve enfin, il l'emmène avec lui, et le voit obéir à ses moindres volontés, mais le moment est venu où il faudra s'en séparer sa mort, pour être heureuse, ne laissa pas de lui être très sensible, et de lui causer des regrets amers. Par la pensée qu'elle allait le tenir si longtemps éloigné de sa chère épouse et du désiré de toutes les nations. Concluons donc que Joseph, durant le cours de sa vie mortelle, fut semblable à Marie, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, par la pratique des plus sublimes vertus. Joseph, en second lieu, est semblable à son auguste épouse par la participation à la gloire et aux honneurs de la céleste patrie. C'est une maxime immuable, comme la parole de Dieu, que celle de l'apôtre quand il dit que si nous avons part aux souffrances, nous aurons part à la gloire, Romains 8, 17, 2 Corinthiens 1, 7. Or, je vous le demande, qui participa autant que Joseph aux souffrances de Jésus et de Marie, qui eut jamais autant de part que lui aux humiliations du Verbe incarné, fut-il jamais personne après Marie, qui tint plus fidèlement compagnie à notre divin Sauveur que ce saint patriarche? Dès l'annonciation du mystère de l'incarnation, il fut non seulement le témoin, mais le compagnon inséparable de Jésus et de Marie, bien plus c'est lui-même qui était chargé du soin de l'un et de l'autre. C'est lui qui devait leur fournir la nourriture, le logement et l'habit, et pourvoir à tous leurs besoins. L'Esprit Saint nous apprend que c'est prêter à Dieu que de donner aux pauvres, mais que dira-t-on de celui qui fait l'aumône à Dieu en personne devenue pauvre? Ne sera-t-il pas vrai de dire dans toute la force du terme qu'il aura Dieu lui-même pour débiteur? Et quelle récompense ne pourra-t-il pas et ne devra-t-il pas attendre d'un débiteur aussi généreux et aussi magnifique? Si Dieu promet une récompense éternelle à celui qui donne à son semblable un simple verre d'eau froide par amour pour lui, pourrait-il laisser sans récompense celui qui l'a pourvu lui-même d'eau, et de pain, et de vêtements, et de toutes les choses en un mot, dont il a bien voulu éprouver le besoin? Dieu récompensera avec justice et magnificence toutes les bonnes œuvres faites en état de grâce, mais surtout la charité exercée envers le prochain, par amour pour Dieu. Venez, les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé. Matthieu 25, 34. Et pourquoi? En voici la raison, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. Mais quand, Seigneur, vous avons-nous vu avoir faim? Il est vrai que ce n'est pas envers moi en personne que vous avez exercé ces œuvres de charité, mais je vous assure que je regarde comme fait à moi-même ce que par amour pour moi vous avez fait en faveur d'un pauvre quelconque. Quant à vous, ô Joseph, dites-nous, que répondrez-vous à la douce invitation de Jésus? Pourrez-vous dire aussi, Seigneur, quand vous ai-je vu endurer la faim, pour vous donner à manger, ou la soif, pour vous donner à boire? Ah certes, dans ce cas, la modestie si grande qu'elle soit, devra céder à la vérité. Vous serez donc privilégié entre tous, au point de ne pouvoir être confondu dans la foule des saints, parce que vous ne pourrez tenir le même langage qu'eux. Il vous revient donc à juste titre un trône distingué, supérieur à tous les autres et le plus proche de Jésus et de Marie. Représentez-vous maintenant, si vous le pouvez, de quelle splendeur et de quelle magnificence notre glorieux Saint est couronné dans le ciel. S'il vous est donné de connaître le degré de gloire auquel Marie est élevée, vous pourrez aussi comprendre combien Joseph est exalté et glorifié. Mais fut-il jamais personne au monde capable de porter plus haut ses regards? Dieu seul peut pleinement apprécier les trésors de grâce et de gloire dont furent comblés ces deux fortunés époux, Marie et Joseph. Nous pourrons aussi un jour les contempler du moins en partie, lorsque nous aurons le bonheur d'entrer en participation de cette félicité inaltérable dont ils jouissent, nous verrons alors, et de quel torrent de délices cette vue inondera notre âme. Oui, nous verrons Marie assise à la droite de son Fils, et à la droite de Marie, qui pourrions-nous voir, mes frères, si ce n'est le plus fidèle imitateur de sa pureté de vie, et son inséparable compagnon dans l'exercice des plus sublimes vertus, Joseph son chaste époux. Nous verrons l'auguste Marie couronnée par l'adorable Trinité d'un triple diadème, en qualité de fille, de mère et d'épouse, et nous verrons également Joseph, si je puis le dire, le front saint d'une triple couronne, en qualité de père à l'égard de Jésus, d'associé du Père Céleste dans l'office qu'il a exercé envers son Fils bien-aimé, et de compagnon du Saint-Esprit dans l'union merveilleuse et toute divine qu'il a contractée avec la Vierge Mère. Ô patriarche mille et mille fois heureux, quel sort digne d'envie d'avoir été élu par la très sainte Trinité pour être le Père putatif du Messie, qui pourra jamais, comme vous, tenir un même langage avec le Père Céleste, qui pourrait dire comme vous, en montrant Jésus, « Voici mon Fils bien-aimé, si ce n'est celui de qui découle toute paternité dans le ciel et sur la terre, Éphésiens 3, 15, qui pourra s'entendre comme vous appeler du doux nom de Père par un Fils Dieu, si ce n'est encore une fois le Père Céleste. » Qui pourra comme vous appeler Marie son épouse, si ce n'est l'Esprit Saint qui jaloux de tout autre que de vous, voulu vous avoir pour compagnon dans le lit virginal, par suite qui pourra jamais après Marie être plus comblé de gloire que vous ne l'êtes auprès de Dieu? Ah que vous êtes heureux! Mais d'où vous vient tant de grâce et tant de gloire? N'est-ce pas d'avoir été destiné à être le compagnon perpétuel de Marie? Compagnon de sa virginité, compagnon de ses souffrances, compagnon de ses vertus, qui vous ouvriront une route à la gloire dont vous êtes aujourd'hui environné. J'envie votre sort, mais au moins comment pourrais-je le faire tourner à mon avantage? À de bien des manières. Votre exemple m'apprend d'abord que si je veux vous être associé dans la gloire, je dois vous tenir compagnie dans les souffrances et dans la pratique des vertus, Puisque c'est en agissant de la sorte à l'égard de Marie que vous avez été admis à lui être inséparablement associé dans la jouissance de la béatitude céleste. De plus, et c'est ce qui me remplit de la plus douce consolation, vous me fournissez un juste motif d'espérer de votre protection toutes les grâces que je puis raisonnablement désirer dans l'ordre de mon salut éternel. C'est une vérité incontestable, et que la foi nous enseigne, mes frères, que les bienheureux habitants de la Jérusalem céleste peuvent s'intéresser en notre faveur auprès de Dieu, et qu'ils le font réellement, en sûreté pour eux-mêmes. Ils n'ont de sollicitude que pour nous comme s'exprime un illustre père de l'Église, Saint Augustin, et ce vif intérêt qu'ils nous portent les excite à plaider notre cause au tribunal de Dieu. Voilà, mes frères, le fondement sur lequel repose la pratique de recourir au Saint dans tous nos besoins, mais cela étant, Joseph n'eut-il pas plus de motif qu'aucun autre saint de s'intéresser en notre faveur? Quel autre après Jésus, son fils bien-aimé, et Marie sa chaste épouse, aura jamais pour nous le même attachement, et qui pourrait en même temps nous prêter un secours plus efficace? Les saints nous portent intérêt uniquement parce qu'ils nous aiment, et qu'ils savent que nous sommes aimés de Dieu, parce qu'ils comprennent tout ce que ce céleste amant de nos âmes a fait et souffert pour nous. Mais, mon Dieu, quel amour Joseph ne nous porte-t-il pas? Pour en connaître l'étendue, il faudrait savoir la grandeur et la force de l'amour divin qui le consume. Dieu seul pourrait nous le dire, lui qui a répandu dans son cœur, avec tant de bonté et de magnificence, le feu de la divine charité. Et après Marie qui pourrait savoir mieux que Joseph combien Jésus nous aime, qui pourrait mieux apprécier tout ce qu'il a fait et souffert pour nous? Les autres saints, il est vrai, en ont aussi une connaissance du moins imparfaite à l'aide des lumières de la foi, mais autre chose est d'en être instruit par l'expérience. Ce ne fut pas la foi seule qui dévoila à Saint Joseph les prodiges d'amour du Verbe incarné, il en fut le spectateur, il en fut le témoin oculaire, il en fut, que peut-on dire de plus, le compagnon perpétuel. Enfin, que savons-nous de tout ce que Jésus a fait et souffert pour le salut du genre humain, spécialement depuis sa naissance jusqu'à l'époque de sa vie publique? Peu de choses, très peu même, au contraire rien ne fut caché, rien ne fut tenu secret pour Saint Joseph. Il vit le Sauveur du monde gémir dans la crèche, il le vit répandre les premières gouttes de son sang sous le couteau de la circoncision, il le vit fuir en Égypte, il le vit couvert de sueur, occupé tout le jour à un travail pénible. Il le vit en un mot sans cesse brûlant d'amour pour nous, et, se trouvant constamment à portée de cette fournaise embrasée du Sacré-Cœur de Jésus, quelles étincelles de charité ne dut-il pas en retirer? Ne semble-t-il pas qu'à ce spectacle Joseph dut s'écrier à tout instant, « Voilà ce que souffre Jésus !» Et il le souffre pour sauver les malheureux enfants d'un père prévaricateur. Il faut bien qu'ils soient dignes d'amour pour qu'ils soient si chers au Verbe divin. De là son cœur compatissant s'enflammait à chaque instant d'un amour plus ardent envers les hommes. Et ces bienheureuses flammes, loin de s'éteindre ou de diminuer, prenaient sans cesse de nouveaux accroissements, jusqu'au moment où il fit son entrée dans la céleste patrie. Jugez d'après cela jusqu'où doit aller sa tendre sollicitude, quel soin et quel intérêt il prend de l'affaire de notre salut. Oui, concluons sans crainte que comme il n'est personne après la très sainte Vierge, qui est approchée d'aussi près Jésus, et qui ait pu rendre témoignage aussi bien que lui de l'amour que Jésus nous porte, de même il n'est aucun saint, après la très sainte Vierge, qui nourrissent pour les hommes une sollicitude plus vive, ni qui soient plus assidus à intercéder en leur faveur. L'intercession de Saint Joseph est d'ailleurs souverainement efficace, et, en effet, croyez-vous que Jésus puisse refuser de prêter l'oreille aux prières de celui auquel il a bien voulu être si soumis et si obéissant, Luc 3, 51. Celui qui a pu par le plus étonnant prodige se faire obéir du Tout-Puissant, ne pourrait plus même s'en faire écouter? À n'en doutons point, chrétien, Jésus écoute Joseph, comme il écoute Marie. Il l'a donné pour ainsi dire en aide à Marie, non seulement sur la terre, mais encore dans le ciel, de sorte qu'il intercède pour nous conjointement avec elle. Joseph semblable par le nom, mais plus encore par la puissance, au patriarche de l'Ancien Testament, semble avoir reçu dans le ciel le glorieux emploi de distribuer, non pas un froment corruptible, mais les célestes faveurs, non pas d'une seule espèce, mais de quelque genre que ce soit, non pas à un seul royaume, ou pour une seule nation, mais à tous les peuples de la terre. J'en prends à témoin les âmes qui ont eu le bonheur d'avoir recours à lui dans leurs besoins. Pour passer les autres sous silence, je citerai sainte Thérèse. Que ne dit-elle point à ce sujet? Que n'ai-je son éloquence toute céleste pour raconter les grâces sans nombre qu'elle a obtenues par l'intercession de ce grand saint? Je conjure, dit-elle, au nom de Dieu, ceux qui n'ajouteront pas foi à ce que je dis, de vouloir bien en faire l'essai, ils connaîtront par expérience combien il est avantageux de se recommander à ce glorieux patriarche, avec une dévotion particulière. Voyez la vie de sainte Thérèse, écrite par elle-même, chapitre 6, et ailleurs. Oui, mes frères, voilà ce que je vous souhaite de tout mon cœur, c'est que vous fassiez l'épreuve de la protection de ce grand saint. Faites-le, je vous en prie, faites cette douce épreuve. Ayez recours à lui dans vos besoins tant spirituels que temporels. Demandez à Dieu par l'intercession de Joseph tout ce qui vous est nécessaire, et principalement la grâce de terminer par une sainte mort votre pèlerinage dans cette vallée de larmes, car c'est là la grâce qui couronne toutes les autres. Vous comprendrez un jour, dans la bienheureuse patrie, l'importance et la vérité de ce que je viens de vous dire, vous verrez clairement que comme personne ne fut plus intimement et plus étroitement uni à Marie, que son chaste époux, ainsi personne ne s'en rapprocha davantage et par la pratique des vertus ici-bas, et par le degré de gloire auquel il a été élevé dans le ciel, et par le zèle qu'il met à protéger les misérables mortels. Markendan Archivorg 2023, d'après Books Google et Fair Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.